Audiomatique. la transmission 364 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de la formation Zentriert ins Antlitz avec sa pièce Chamisen Jangle tirée du dernier album qu'ils ont publié en 2008 intitulé No. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre le projet Burnt Belief. Il s'agissait à Audiomatique du groupe australien Let Your Hair Down et sa composition Luigi Board, extraite de leur premier album Waiting Room, lancé le 21 septembre dernier. Mentionnons que Let Your Hair Down est formé de membres du groupe Sasquatch et qu'ils ont également emprunté le nom de Let Your Hair Down Girls, le temps de faire paraître le 7 pouces pour la pièce Abuja Death Cab en 2017. Et ce qui amorçait ce segment musical, c'était le duo Burnt Belief, mené par le guitariste John Durant et le bassiste Colin Edwin, qui fait entre autres partie de Porcupine Tree, du plus récent album de Burnt Belief intitulé Mutual Isolation. Nous entendions la pièce « Where It All Began » for TR. Audiomatique se poursuit sur la collaboration entre les artistes Robert Rich et Brian Lusmord. Thank you. industrial style mass destruction. They try to destroy everything. Audiomatic, cette séquence se terminait sur la musique de l'artiste Andrew Lagowski et son projet SETI, dont l'acronyme fait référence au syntagme « Search for Evidence of Terrestrial Intelligence ». De son deuxième album paru en 1996, intitulé « The Geometry of Night », on entendait la pièce « Metastorm ». Avant cela, c'était la pièce « Delusion Fields », issue de la collaboration entre Robert Rich et Brian Losmord, qui ont réimaginé le temps d'un album la trame sonore du film « Stalker » du réalisateur russe Andrei Tarkovsky. L'album paru en 1995 et duquel est tirée la pièce que nous avons entendue porte d'ailleurs le nom du titre du film « Stalker » qui, lui, est paru en 1979. La transmission 364 d'Audiomatique se poursuit cette fois avec le duo d'origine angolaise mais établi au Portugal, Ikokwe. Aqui é Thank you. Audiomatic, nous écoutions la pièce « Comme des carrés » de Feldman, un extrait du dernier album du groupe français Aquaserge, qui s'intitule « The Possibility of a New Work for Aquaserge » et qui est sorti dans le cadre de la série « Made to Measure ». Précédemment à Aquaserge, nous avions droit à la collaboration entre Reinhard van Bergen et Reinhard Roland, qui nous interprétaient leur composition Fuzzy Fuse de leur album Reinhard and Reinhard, lancé le 28 septembre 2021. Et pour débuter, le duo Ikokwe, originaire de la République d'Angola mais basé au Portugal, de leur mini-album Falta Muito, nous écoutions la pièce Macumba, remixée par l'artiste Sunken Cages. Cette transmission d'Audiomatic se terminera avec la formation suédoise Severe Illusion et sa pièce Bad People, apparaissant sur l'album Shortcut to Civilization, paru en 2006. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 365 d'Audiomatic. Voici donc, pour terminer, Severe Illusion et la pièce Bad People. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. Situation.